Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé qui vous parle, et on va commencer par un concept dans lequel nous sommes plongés sans nous en rendre compte, celui de la ville du milieu. Vous devinez que c'est un sujet d'urbanisme et que c'est avec Éric Rivard que nous allons en parler. Éric Rivard qui est architecte mais aussi chargé de cours en design urbain à l'école d'architecture de l'Université Laval. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Je crois qu'il faut commencer par éclaircir ce concept de ville du milieu qui peut prêter à confusion parce que comme François le soulignait, la ville du milieu c'est pas forcément la ville du centre. Donc de quel milieu on parle? C'est une très bonne question. C'est un concept qui refait surface. En fait, c'est une traduction libre, la ville du milieu de Missing Middle Housing, donc oui. le milieu manquant. C'est ça, c'est donc, en voyant l'expression anglaise que j'ai fini par comprendre. C'est le milieu manquant. Donc ouais. Pourquoi y a-t-il un milieu manquant? Bien, on fait plutôt appel aux typologies résidentielles. Lorsqu'on parle de type résidentiel, on parle finalement du type de logement dans lequel les gens habitent. Donc, on pourrait parler par exemple de condos, on pourrait parler de plex, on pourrait parler de maisons individuel détaché. Et il faut se rendre compte que partout en Amérique du Nord, en ce moment, il y a une très forte production de maisons unifamiliales détachées, encore, malgré tout ce qu'on connaît. Le modèle de la banlieue. Oui, mais malgré tout ce qu'on connaît des effets de l'étalement urbain. Et même si c'est un modèle, finalement, qui demande énormément de ressources en termes d'infrastructures, en termes de territoire, c'est encore une fois le modèle dominant. Et d'un autre côté, de plus en plus convaincu des bienfaits de la densification, on voit émerger énormément de typologies résidentielles de type appartement dans des immeubles de grande hauteur. Donc, voici nos deux extrêmes. D'un côté, la maison unifamiliale détachée, et de l'autre côté, l'appartement en ville dans un immeuble de grande hauteur. Et de grande hauteur, donc on est 6 étages. Donc des appartements où il y a par exemple 15, 20, 70, 80, 400 unités de logement. Et c'est de là qu'on parle. Et entre les deux, il y a un milieu. Il y a le milieu. À occuper. Et le milieu perdu. Donc, le Missing Middle Housing, c'est la ville qu'on a arrêté de produire. Tout simplement. Et donc, aujourd'hui, dans cette toute petite chronique, on va comprendre aussi pourquoi des quartiers comme Limoilou, Saint-Sauveur, retrouvent une certaine popularité auprès des jeunes familles, notamment. Parce qu'on pourrait qualifier de Limoilou de ville du milieu. Pourquoi la ville du milieu? Ben, on continue de comprendre que malgré tout, bon an, mal an, malgré tout ce qu'on connaît des effets de l'étalement urbain, comme je le disais précédemment, il y a des motivations résidentielles qui sont très fortes. Et ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Donc, lorsque les gens cherchent une maison, ils ont des motivations résidentielles très fortes et celles-ci amènent fortement vers des densités très faibles. C'est-à-dire que dans leur motivation, ils vont rechercher des entrées individuelles, des portes individuelles, la possibilité de garer sa voiture devant la maison, l'accès à une cour et idéalement, en plus, une très bonne qualité acoustique, donc idéalement pas de voisins. Et des grandes cours, des espaces extérieurs. Tout ça, donc, qui est largement produit par la maison unifamiliale détachée. Et de l'autre côté, on essaie de convaincre les gens des bienfaits de la densification en leur disant « Revenez en ville, ça coûte beaucoup moins cher en infrastructure, en territoire de densifier la ville. » Oui. Et là, tout à coup, les gens ont l'impression de perdre énormément d'avantages qu'ils recherchaient dans la maison unifamiliale. D'où l'opportunité de faire la ville du milieu. Donc, de revoir un petit peu ces bâtiments intermédiaires qu'on pourrait avoir comme à Limoilou, mais en remettant dedans des avantages de ce qu'on trouve dans les maisons individuelles. Et qu'on a tout simplement arrêté de produire partout en Amérique du Nord. Donc, ce sont des tissus urbains qui sont vieillissants. Le tissu urbain de Limoilou est un tissu qui date des années 30-40. Et donc, c'est pas tout le monde qui a le goût de s'installer dans un immeuble qui date de plus de 60 ans, 70 ans. Et donc, si on veut penser éventuellement amorcer une transition vers ces milieux de vie-là, ben il faut à la fois réduire les densités des nouveaux projets qu'on fait pour être plus étudiants et augmenter les densités des projets qu'on fait traditionnellement en banlieue, d'où l'opportunité de faire la ville du milieu. La ville du milieu, c'est le plus large spectre pourtant de typologie résidentielle. Donc, nommons-en quelques-unes. On pourrait penser à la maison en rangée. Ah oui? On pourrait penser au duplex, au triplex, au quadruplex. On pourrait penser même à des bungalows collés sur cours, mm-hmm. donc des formes de villes beaucoup plus compactes. Ah oui? Et dans tous les types de maisons que je viens de vous nommer, on retrouve les avantages de la maison individuelle donc de banlieue. Une entrée individuelle, une cour quand même sur laquelle les enfants vont pouvoir aller Exactement. Sans aller dans la rue. Exactement. Ouais, ouais. Et donc l'hypothèse que les chercheurs mm-hmm. qui s'intéressent à ce concept de missing middle housing, donc la ville du milieu, c'est de penser que en recréant mm-hmm. des milieux de vie autour de ce concept-là, ben on pourrait finalement élargir la frange de population qui va être intéressée ouais. par ces milieux de vie-là et favoriser des milieux de vie plus compacts. Mm-hmm. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce concept-là. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Ben, vous savez que la Ville de Québec est en train d'élaborer sa vision de l'habitation, donc mm-hmm. une nouvelle vision de l'habitation. Et c'est probablement intéressant de s'intéresser à la littérature sur ces types ouais. de milieux de vie-là autour de la ville du milieu. Mm-hmm. Mais c'est pas juste les maisons. C'est aussi la ville du milieu, les milieux urbains eux-mêmes, les milieux de vie eux-mêmes. Donc là, je fais exprès, je tombe dans la caricature. Donc prenez les préjugés que les gens ont envers la ville très dense. C'est une ville bétonnée autour mm-hmm. des grands boulevards, avec très minérale. Et de l'autre côté, les gens idéalisent la banlieue avec ses grands parterres verts, mm-hmm. des arbres, du mm-hmm. gazon. Et donc, l'idée, c'est aussi dans la ville du milieu d'être capable de rejoindre ces deux extrêmes-là, ouais. encore une fois, et faire probablement d'autres types de milieux basés, par exemple, autour de ruelles, autour de rues mm-hmm. Plus étroites avec de la végétation, autour de parcs, autour d'espaces verts. Donc, de refaire, encore ouais. une fois, la ville ouais. du milieu qui vient s'insérer entre ces deux extrêmes. Mais là, est-ce que ça demande de revoir, je ne sais pas, les plans d'urbanisme ou les réglementations municipales pour permettre ce genre de design urbain? En fait, le plus gros piège, c'est la loi du marché. Ah. Donc, si vous êtes propriétaire d'un terrain au centre-ville, Valérie, ce terrain vaut une petite fortune. Et à l'arrivée, par exemple, d'un réseau de transport structurant, ben, vous êtes en train de saliver à l'idée d'en faire les unités. Évidemment, de rentabiliser au maximum ouais. votre opportunité. Donc, la loi du marché va vous amener à faire plus de logements, des plus petits logements, des logements compacts et mm-hmm. des logements étagés, des typologies de type plutôt condo ou appartement. Et de l'autre côté, toujours avec cette même loi du marché, avec des terrains plus loin de la ville qui sont mm-hmm. beaucoup plus abordables, ben on continue à faire de la faible densité en prétextant qu'il y a une demande pour ces milieux de vie-là parce qu'effectivement, mm-hmm. les gens ne connaissent pas d'autres produits que le bungalow, la maison de banlieue mm-hmm. traditionnelle. Mm-hmm. Et quand on ne connaît pas un produit, ben c'est difficile de le demander. Donc, il y a toute cette question de loi ouais. du marché qui est probablement le plus gros piège parce que souvent, les règlements d'urbanisme permettent très bien de faire la ville du milieu. Mais alors, est-ce que à ce moment-là, les architectes n'ont pas un rôle pour offrir autre chose que la maison individuelle ou la tour à logement? Ben effectivement, et même on peut penser que les architectes pourraient être extrêmement audacieux, innovants et par exemple consacrer les 2-3 premiers étages de tous les projets mm-hmm. de densification pour faire plutôt des typologies de logements de type plex, duplex, mm-hmm. triplex ou maison arrangée. Et c'est un modèle extrêmement répandu, notamment à Vancouver, où chacun des projets de densification est conçu par un podium. Ce podium est constitué de maisons de ville avec des cours. Et sur le podium, à un certain moment donné, on voit apparaître là, un édifice en hauteur. Ah oui? Où là, on a une autre typologie qui est plutôt de type appartement, condo. Mm-hmm. Donc, dans donc, le même projet. C'est un mix de typologies dans le même projet. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est assez astucieux ouais. quand même comme ouais. solution. Ouais. Est-ce que ça permet quand même de laisser de la place à de la verdure, ce podium? Tout à fait, parce que les maisons de ville ont sont traversants, donc ont des façades des deux côtés mm-hmm. et accès à une cour. Mm-hmm. Souvent, ça mm-hmm. va être une cour intérieure partagée mm-hmm. ou des courettes individuelles. Mm-hmm. Ce type de projet-là se fait actuellement à Québec. Donc, c'est des projets innovants. On en connaît un, par exemple, Habitus, qui est à l'écoquartier Pointe-aux-Lièvres, où on a des maisons de ville collées et superposées autour d'un mm-hmm. grand jardin commun. Mm-hmm. Il y a ici aussi à Limoilou les lots des Capucins où on a des maisons de ville superposées avec accès à une petite cour. Donc aussi ce type de ville du milieu qui émerge, mm-hmm, et qui est extrêmement populaire, mm-hmm, et qui permet de combler les souhaits, ouais, de la municipalité de densifier, mais peut-être pas avec des densités. Oui, mais on l'a déjà vu, des fois il y a une plus grande densité avec des quartiers comme Limoilou où c'est du triplex, donc pas forcément très haut mais assez collé par rapport à trois tours très hautes, mais avec des stationnements autour. Et finalement, on n'a pas plus de densité, finalement. On voit que vous avez très bien retenu les leçons de design urbain précédentes. J'espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, des chroniques urbaines. Assurément, assurément. Merci beaucoup, Éric, de nous rappeler qu'une ville, ça ne se construit pas n'importe comment. Donc, je rappelle qu'Éric Rivard est architecte et chargé de cours en design urbain à l'École d'architecture, ici, à l'Université Laval. Merci. Ça fait plaisir. Et maintenant, on part en musique pour mieux se retrouver et aller en Antarctique en suivant les ondes de CKRL 89.1.